La délégation du ministère des chemins de fer, conduite par son ministre Changyo, a quitté le 2 courant Pyongyang par train pour participer à la 44e conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération des chemins de fer prévue à Bakou, Azerbaïdjan.